sucrée de Bornéo. Sont d'exotiques courtisanes, lunettes fumées et paréo, la soif froissée d'un corps de femme. Oh, oh, oh, oh. Au bord des yeux se fait des pots d'un crayon vert, d'un peu de jade. Sacré.